On va parler de la Ligue du Lac aux Fleuves avec notre ami Mathieu Caron. Salut Mathieu. Mathieu, sondage qui a été publié. On avait parlé il y a deux semaines sur le sondage, puis là maintenant ça a été fait. Donc, qu'est-ce qui en retourne de ça? Ben, le sondage, on trouve qu'il est vraiment très satisfaisant. Le but était de vraiment sonder les partisans, à savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la Ligue, comment ils évaluent un peu la saison 2018-2019, qu'est-ce qu'ils voudraient voir au niveau du côté volet hockey, ce qu'ils veulent voir du hockey, les bagarres. Par la suite, on voulait vraiment savoir au niveau du calendrier, voir comment ils utilisaient le calendrier, quelle journée ils préféraient vraiment des sports de maths. Donc, le sondage a été fait, les résultats ont été sortis en deux volets. Et on avait le premier volet qui était général, puis on avait aussi le volet qui est sorti par secteur. Donc, on a pu vraiment sonder pour vraiment chaque territoire, à savoir qu'est-ce que les partisans pensent de leur hockey. OK. Et comment il y avait de monde, hein? Alors, on a eu 306 personnes qui ont répondu au sondage. 306 personnes, c'est quand même positif. Puis qu'est-ce qui... Ouais, puis que... Donc, là, tu m'as expliqué le but, puis qu'est-ce que ça ressortit en gros, là? Ouais, ben ça. Donc, en fin de compte, on s'aperçoit vraiment que le monde aime bien la Ligue. Je trouve qu'on a une Ligue très, quand même, fort. Que, au niveau des horaires, là, souvent, là, les vendredis soirs, samedi soir, c'est les moments les préférés de chacun. On a aussi une question sur le site web, comment ils sont partis sur le nouveau site web. Le sondage, là, en généralité, là, est vraiment très satisfaisant. OK. Donc, ça va se terminer. Ça, c'est maintenant terminé. On va parler maintenant de... Il y avait deux matchs au programme la semaine passée de la Ligue du Lac aux Fleurs. Il y avait seulement un match. Un match, OK. C'était le match qui se jouait à... le premier match, excuse-moi, c'était à la baie. OK. C'était les gens avec Charlevoix là, qui visitaient le MGR Express de Saguenay. C'était quand même un très bon match. Le MGR a quand même bien dominé le match. Malgré que Charlevoix là, ont vraiment là, réussi à marquer des bons points. Donc c'était vraiment Charlevoix. Là, Saguenay ont gagné le match là, par la marque de 7-4. OK. Puis depuis que c'est rendu à la baie, c'est-tu bon finalement? Ah, les foules sont quand même très bons. Là. On est en moyenne à peu près 350 personnes là, à Saguenay. Ça va vraiment très bien pour eux autres. OK. Donc, 350 personnes, c'est quand même pas si pire dans les circonstances. Maintenant, on va y aller avec les joueurs de la semaine dans la Ligue du Lac aux Fleurs. Oui, effectivement, on avait, je crois que la première étoile a été décernée à, si je me rappelle bien, Simon Gervais. Simon Gervais, là, qui a quand même une très bonne fiche. Deux buts, deux passes. Oui, effectivement. Par la suite, la deuxième étoile est allée à Benjamin Harvey, oui. De Charlevoix. Qui est quand même très connu, très bonne performance. Benjamin, je pense qu'il est un très bon élément là, à Charlevoix. Là, ça fait vraiment bien là, pour eux autres. Et le dernier, c'est Jérémy Vigneault-Bélangeau, qui a connu une très bonne performance. OK. Maintenant, il y a eu une transaction cette semaine entre le multiconcessionnaire ici de Dolbeau-Mistassini et également, je pense, c'est la Haute-Côte-Nord. C'est des joueurs qui n'ont pas joué cette année. Par contre, ils ont joué l'année dernière. Oui, effectivement. Marc-Alexandre Tremblay qui appartenait aux excavations à Savard. Lui, il s'en va à Dolbeau. En échange, Dolbeau a cédé les droits de Samuel Renault et de Joey Dominique. Donc, c'est tous les joueurs qui ont un ou deux matchs de jouer. Ouais. À part Marc-Alex et Samuel là, qui ont pas joué un match encore cette saison. Donc, tu vas être plus présent pour les nouvelles équipes. J'en fais trop rien. Ça va dépendre des organisations. OK. En fin de semaine, il était espéré d'avoir un match du multiconcessionnaire. Il a été remis finalement. Effectivement, mais par contre, on a deux matchs là. Si on faisait un programme double, c'est vendredi soir, le MGR Express de Saguenay visite les excavations à Savard à Forestville. Et le lendemain, c'est Forestville qui va visiter le MGR Express là, à la ville. OK. Mathieu, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Effectivement, yes. Mathieu Caron, le commissaire de la Ligue du Lac.